طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue dans notre cours d'explication de la Jurumiyya. Avant de commencer, on va lire quelques points qui ont rapport avec l'obligation de l'apprentissage de la langue arabe. Cheikh Raslan, hafizahullah, Cheikh Raslan a écrit un livre qui est vraiment bénéfique sur ce sujet-là. Et le sujet, c'est le titre, c'est Fadlul Arabiya. Fadlul Arabiya. Fadlu, ça peut dire le mérite, mérite de l'arabe. ووجوب تعلمها على المسلمين et l'obligation pour les musulmans de l'apprendre. Et là, parmi les chapitres, il y a un des chapitres qui s'intitule تعلم العربية وتعليمها فرض واجب. C'est-à-dire d'apprendre, d'apprendre l'arabe et de l'enseigner, c'est une obligation. فرض واجب. Fard et wajib, ça veut dire la même chose. Fard, ça veut dire obligation, puis wajib, ça veut dire obligation. Mais, naam, si tu le fais pas, c'est un péché. Mais quand il met les deux en même temps, c'est comme si pour rajouter de plus d'importance encore, plus de comme pour insister, Yanni. Hein? Bon, ici, premier exemple qu'il mentionne, dans le livre, à la page 71, il dit « قال شيخ الإسلام رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ثم منها ما هو واجب على الأعيان ومنها ما هو واجب على الكفاية. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh l'Islam ici? Il dit que la langue arabe elle-même fait partie de la religion. La langue arabe fait partie de la religion musulmane. De la connaître, c'est une obligation. C'est obligatoire. Il dit parce que de comprendre le Coran et la Sunna, c'est obligatoire. Comprendre le Coran et comprendre la Sunna, c'est une obligation dans l'Islam. Et tu ne peux pas les comprendre excepté en comprenant l'arabe. Donc, ce que tu ne peux pas faire, ce que tu ne peux pas compléter comme obligation, s'il y a quelque chose qui est obligatoire pour toi, c'est-à-dire dans le sens que tu veux faire quelque chose qui est obligatoire, mais tu ne peux pas faire cette chose obligatoire sans passer par quelque chose pour y arriver, alors cette chose que tu as besoin de faire pour y arriver devient elle-même obligatoire. Donc si par exemple tu dis je veux comprendre le Coran, le Coran c'est obligatoire, mais je ne connais pas l'arabe, donc apprendre l'arabe c'est obligatoire parce que tu veux apprendre le Coran et la Sunna. Il y a beaucoup de musulmans, ils n'ont pas compris ça, malheureusement. Tu vois par exemple des gens qui sont musulmans depuis des générations, puis ils viennent de pays musulmans, comme par exemple des pays de l'Inde ou le Pakistan ou l'Indonésie, Malaisie, ou par exemple des pays comme l'Afrique de l'Est et autres, que ce sont des gens qui sont là depuis des siècles, qui sont des musulmans, mais ils négligent ça, l'apprentissage de l'arabe, malheureusement. Certains, ils l'apprennent, alhamdoulilah, mais d'autres, ils font pas beaucoup d'efforts pour arriver à apprendre cette langue. Et une des raisons pourquoi, c'est que certains, ils se disent, c'est pas notre langue. Ça, c'est une mentalité que les gens, ils ont. Ils disent, ah, mais c'est pas notre langue, pourquoi on va l'apprendre? C'est la langue du Coran, c'est la langue de la Sunna, c'est la langue de l'Islam. Donc, c'est pas une question que c'est ta langue ou c'est pas ta langue. Tu veux comprendre la religion d'Allah, tu veux comprendre l'Islam, tu dois l'apprendre, t'as pas le choix, Et c'est pas une question comme certains, par exemple, ils sont pris avec le nationalisme, comme par exemple les Kabyles au nord de l'Afrique, ils disent, nous on est kabyle, on a notre langue, on ne veut pas apprendre l'arabe, ou des choses comme ça, ça c'est de l'ignorance, ça c'est de la djahiliya, ça c'est la fierté que le shaitan met dans le cœur des hommes pour essayer de les éloigner de l'apprentissage de la religion. Parce que tu ne peux pas comprendre la religion sans l'arabe, tu vois. Et en plus, le pire, Allah Musta'an, c'est qu'il y a des groupes maintenant, des groupes nationalistes, il y a des groupes nationalistes qui ramènent l'idée de l'attachement à la langue kabyle, par exemple, là-bas au nord de l'Afrique, qui ramènent des mêmes parfois qui appellent à des croyances de kufr et de shirk. Même il y en a qui appellent au christianisme maintenant à cause de ça. Alhamdoulilah. Puis, non, les Kabyles, bon, disons que les Kabyles, c'est la Kabylie, quand on parle de la Kabylie, c'est l'Algérie. Mais le terme qui est plus correct, peut-être, ou plus général, ce serait de mentionner, comme vous le dites, par exemple, les Amazirs. Parce que Amazir, ça comprend plus de différents peuples qui parlent une langue qui ont des ressemblances entre elles. C'est pas une seule langue unifiée, tu vois. C'est plusieurs langues. Ça, c'est un exemple de l'alphabet de l'alphabet amazigh. Ouais, il y en a des ceux qu'on appelle les berbères, hein. Il y en a au Maroc, il y en a en Algérie, il y en a en Tunisie, il y en a en Libye. On dirait oui. On a des trucs de magie ou bien des trucs de... Moi, ça me fait penser à l'alphabet des Inuits. Puis j'ai vu des trucs de langue algonquin, Inuit et tout. C'est des formes géométriques et tout, là. Donc, tu te dis, mais subhanallah, pourquoi ils n'ont pas pris l'arabe alors que les lettres arabes sont beaucoup plus faciles pour eux puisque ce sont des musulmans. En tout cas... Ça fait partie des ruses du shaitan, comme on dit, pour éloigner des gens. Donc, le Cheikh Ibn Taymiyyah, elle explique que la langue arabe, ça fait partie de la religion. Peu importe que tu sois de l'Inde ou du Pakistan ou de la Turquie, hein, ou bien de l'Algérie ou du Maroc ou d'ailleurs, l'arabe, c'est si t'es musulman, ta première langue c'est l'arabe. Même si t'es haïtien, t'es italien, grec, français, éthiopien, peu importe, asiatique, indonésien, malaisien ou autre, ta première langue, du moment que t'es musulman, ta priorité c'est la langue arabe. Pas pour faire plaisir aux Arabes, ou même parce que c'est par rapport au peuple arabe, non. C'est par rapport au fait que c'est la religion d'Allah. Et c'est pour apprendre le Coran et la Sunna. Je me rappelle une fois, il y en a un qui m'a dit, parce que je lui citais les versets en arabe quand je lui parlais, c'était un monsieur de l'Inde. Donc j'essayais de lui expliquer quelque chose, parce qu'en tout cas, on parlait d'un sujet. Il me dit, pourquoi tu me cites les versets en arabe? Cite-moi les versets en anglais, il y a des traductions maintenant. Il dit, l'arabe, c'est pas ma langue. J'ai dit, est-ce que l'anglais, c'est ta langue? Parce qu'on était en train de parler en anglais. Il dit, est-ce que l'anglais, c'est ta langue? Pourquoi tu l'as appris? Hein? Tu t'es forcé pour apprendre l'anglais, tu t'es forcé pour apprendre le français. Pourquoi? Parce que c'est des langues européennes et que maintenant, c'est des langues qui sont parlées partout et que quand quelqu'un veut avoir un travail dans un pays musulman ou qu'il veut avoir une bonne position, il va apprendre la langue des koufars. Hein? Parce que c'est l'anglais, c'est les langues qui vont lui faciliter la dunya. Mais quand c'est la question de la religion, d'Allah subhanahu wa ta'ala, il commence à dire non, c'est pas ma langue. Hein? Allah musta'an. Donc, il y a un problème dans ces gens-là. Lorsqu'ils pensent de cette façon-là, ça c'est très mauvais. Et en réalité, la façon comment ça devrait être, c'est que dans tous les pays musulmans, peu importe l'origine, la langue arabe devrait être la première langue et la langue officielle de ce pays-là. et ensuite leur langue, nationale s'ils veulent, ou leur langue commune. Parce qu'il y a des pays musulmans, subhanallah, comme certains frères de l'Afrique de l'Ouest ils me disent, dans certains de leurs pays, il y a comme 1000 langues différentes dans le même pays. Donc ça veut dire, subhanallah, tu ne peux pas dire aux gens, par exemple, c'est votre langue qui va être la langue nationale, parce que les autres ils vont rien comprendre, tu vois. Donc ils se sont unis sur le fait de prendre la langue française ou anglaise pour unifier le pays, mais en fait la réalité c'est qu'ils auraient dû en tant que musulmans prendre la langue arabe. Bon, on va lire quelques autres exemples que le cheikh il a cité, cheikh Raslan. Il a dit ensuite, parmi les éléments de la langue, il y a des éléments qui sont wajib ala al-a'yan et des éléments qui sont wajib ala al-kifaya. C'est-à-dire, il y a des éléments qui sont obligatoires pour chaque personne individuellement, que tout le monde doit l'apprendre, et il y a d'autres éléments que c'est fard kifaya, c'est-à-dire, c'est pas obligatoire pour tout le monde. Parce que la langue arabe, c'est vaste, et c'est pas tout le monde qui va devenir un maître de l'arabe ou Sibawi, ça c'est évident. Naam. Et en passant Sibawi, quand tu regardes les grands maîtres de la langue arabe comme Sibawi et d'autres, c'était pas des arabes, c'est des perses, des gens de d'autres origines. Donc c'est pour dire que même les ulama de hadith là, beaucoup d'entre eux c'est pas des arabes. Donc c'est pour dire que l'important c'est pas l'origine. L'important, c'est la sincérité que quelqu'un a dans son cœur envers Allah et le fait qu'il veuille réellement comprendre la parole d'Allah, comprendre sa religion. Donc, il fait des efforts pour apprendre cette langue. Après, le cheikh, il cite d'autres livres des ulama. Il dit « Inna lil'arabiyati al-fusha zarfun khas » لم يتوفر لأية لغة من لغات العالم ذلك أنها ارتبطت بالقرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنا ودون بها التراث العربي الضخم الذي كان محوره هو القرآن الكريم في كثير من مظاهره. Une des caractéristiques de la langue arabe classique, qu'elle qu'on appelle classique, c'est-à-dire al-fusha, qu'est-ce qui est particulier à la langue arabe classique, c'est que, ça c'est une chose qui existe que pour la langue arabe, et elle se distingue de toutes les autres langues à ce sujet-là, c'est qu'elle est reliée au Coran, depuis 14 siècles. Et toute la richesse et l'héritage, immense de la langue arabe est relié donc au Coran à cause de ça. Dans plusieurs de ces manifestations puis de ces différents plans. Donc c'est pour ça que c'est important l'arabe à cause de ça pour les musulmans. Donc al-arabi a tulughatul Coran. Donc l'arabe c'est la langue du Coran. Wa lughatul Islam, c'est la langue de l'Islam. Wa laysat ka ayyati lughatin min lughatil alam. C'est incomparable. C'est pas comparable à aucune autre langue dans le monde. لأن زوال اللغة في أكثر الأمم يبقيها بجميع مقوماتها غير ألفاظها ولكن زوال اللغة العربية لا يبقي للعربي ولا للمسلم قواما يميزه عن سائر الأقوام ولا يعصمه أن يذوب في غمار الأمم فلا تبقى له باقية من بيان ولا عرف قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا عرف ولا معرفة ولا إيمان قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلوم أن تعلم العربية وتعليمها فرض على الكفاية وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن. نعم. Donc cheikh dit donc l'arabe est différent de toutes les autres langues. Il dit si par exemple, les peuples, les autres peuples perdent leur langue, ils peuvent quand même garder leur... Ils peuvent quand même garder leur, leur culture, leur, qu'est-ce qui leur est particulier. Hein? Parce que c'est pas directement attaché à quoi que ce soit pour eux. Tandis que l'arabe, si le musulman perd l'arabe, ou les arabes perdent l'arabe par rapport à la religion, eh bien, il peut plus, par la suite, il y a plus rien qui va le distinguer des autres peuples. Il n'y a plus rien qui va le protéger de fondre parmi les autres nations. Donc, si on perd complètement l'arabe, bien, ça veut dire qu'on perd tout ce qui a rapport avec la clarification et la tradition, la coutume, la connaissance et la foi. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il disait que c'est connu que d'apprendre l'arabe et de l'enseigner, c'est une obligation pour les musulmans en général. Et les salafs, ils punissaient leurs enfants lorsqu'ils faisaient des erreurs dans leur parler, hein, quand ils faisaient des erreurs dans leur parler. Wa nahnu ma'muruna amra ijab ou amra istihbab an nahfaz al-qanun al-arabi wa nuslih al-alsun al-ma'ilati anha. ويحفظ لنا طريقة فهم القرآن الكتاب والسنة والاقتداء بالعربي في خطابها فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبا. Donc Ibn Taymiyyah dans Majmou al-Fatawa, c'est ce qu'il dit, c'est dans le volume 32 à la page 252. Il dit nous sommes ordonnés, soit par obligation ou par recommandation, de préserver les règles de la grammaire et de corriger nos erreurs lorsqu'on parle, si on a notre langue ne dit pas les choses de façon correcte. Et ça, c'est dans le but de préserver pour nous la compréhension du Coran et pour garder, continuer à suivre l'exemple des Arabes dans leur façon de parler, de s'exprimer. Parce que si on laisse les gens faire des erreurs dans la langue arabe quand ils parlent, eh bien ça c'est comme une déficience et quelque chose de honteux. C'est un blâme. Il dit « Wa qad marra qawlu l'imam Shafi'i rahimahullah inna al-muslima ala » إن المسلم عليه أن يكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا متبوعا. Donc l'imam al-Shafi'i, il a dit que le musulman, il doit suivre dans ce qui lui a été ordonné et dans ce qui lui a été recommandé et non pas être suivi dans ces choses-là. C'est-à-dire, le cheikh, il explique, « Ay, ala al-muslim an yata'allama min lughati al-arab ma yakunu bihi ala asli ma ja'a bihi al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam la an yadhalla ala lughatihi huwa aw urfi qawmihi wa istilahihim wa lahjatihim wa tatba'uhu lughatu al-arab allati ja'a biha al-Qur'an ونطقت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بذلك متبوعا. Donc le cheikh, il explique la parole de l'imam al-Shafi'i. Il dit que le musulman, il doit apprendre de la langue arabe. Qu'est-ce qui est rapporté du prophète صلى الله عليه وسلم à la base. Donc il apprend la langue arabe selon la base de ce qui est rapporté par le prophète صلى الله عليه وسلم. Et il ne va pas rester sur sa langue à lui. Sa langue d'origine par exemple, ou la langue de son peuple et leurs expressions et leur dialecte, ou les langues qu'ils parlent, ou leur façon de parler à eux, leurs expressions, et commencer à faire en sorte que la langue arabe s'adapte ou suive ou commence à être influencée par ces autres langues-là. Là, plutôt c'est le contraire qui doit être, puisque la langue arabe, c'est la langue arabe c'est dans la langue arabe que le Coran a été révélé. Donc, c'est pas l'arabe qui doit être influencé par les autres langues, mais c'est plutôt l'arabe qui doit influencer les autres. Parce que l'arabe, c'est la langue du Coran, et c'est la langue par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la sunna. Et donc, à cause de ça, il faut qu'elle soit suivie et non être celle qui suit les autres. Et ça, c'est très important. وقال الشافعي اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول ينبغي لكل أحد أن يقدر على تعلم اللغة العربية أو تعلم العربية أن يتعلمها لأنها اللسان الأولى الأولى بأن يكون مرغوبا فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بأعجمية. Donc qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Shafi'i? Il dit que la langue que Allah a choisie, c'est la langue arabe, et il a fait descendre son livre dans cette langue, et il a fait que cette langue soit également la langue du dernier de ses prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est nécessaire à toute personne qui est capable d'apprendre l'arabe de l'apprendre, parce que c'est la langue première. Yakunu marghuban fihi. Donc c'est la première langue à laquelle tu devrais, ou à laquelle tu dois être incité. C'est-à-dire, tu dois être encouragé et incité de l'apprendre cette langue-là avant toutes les autres. من غير أن يحرم على أحد. Donc sans interdire à quiconque de parler dans sa langue étrangère aussi. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu vas enseigner l'arabe ou encourager les gens d'apprendre l'arabe que tu vas en même temps interdire d'utiliser aux gens leur langue maternelle. Et ça, c'est la preuve que l'islam a toujours respecté en même temps qu'est-ce que les gens ont comme coutume et comme culture qui n'est pas en contradiction avec l'islam. Et ça, la preuve, regarde, depuis plus que 1400 ans que l'islam est rentré dans différents pays dans le monde, et les gens de ces pays-là, jusqu'à aujourd'hui, parlent encore leur langue maternelle, leur langue d'origine. Donc ça, c'est la preuve que c'est pas comme d'autres peuples, comme par exemple les Européens, quand ils sont rentrés dans certains pays, ils ont complètement effacé toute trace de la culture de ces peuples-là. Ils sont devenus assimilés à un point que aujourd'hui ils ne parlent que la langue que ces gens-là ont amenée. Comme par exemple en Amérique du Sud, tu vois, il y en a des langues étranges autres que l'espagnol, par exemple. Les Espagnols, quand ils sont rentrés, ils ont amené l'espagnol là-bas. Puis c'est devenu la langue officielle. Il y a des peuples comme les Noirs d'Afrique. Quand les Européens les ont pris, ils ont amené en Amérique, ou les ont amenés dans les Antilles. Ben aujourd'hui, les Noirs qui étaient pris en esclavage, ils parlent les langues de ces peuples-là. Soit les Anglais, soit les Espagnols, soit les Français, ils ont plus maintenant leur langue, même si bon, ils parlent peut-être un créole ou quelque chose comme ça, mais c'est pas leur langue d'origine. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça ailleurs. De toute façon, l'important c'est ça, c'est de bien comprendre. Après le cheikh il dit, وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بسنده أن محمد بن سعد بن أبي وقاص سمع قوما يتكلمون بالفارسية فقال ما بال المجوسية بعد الحنيفية. Il a dit, Ibn Abi Shayba rapporte que Muhammad ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, il a entendu des gens qui parlaient la langue perse. Il leur a dit, comment ça vous parlez al-Majusiyya après avoir été musulman, après avoir accepté al-Hanifiyya? C'est comme pour dire que pour eux la langue perse c'était comme si c'était un restant de la religion des Majus. وقد روي عن عطاء قال لا تعلموا رناطة الأعاجم ولا تدخلوا عليهم كنائسهم فإن السخط ينزل عليهم. Donc c'est rapporté par, selon Atta, il a dit, n'apprenez pas yani les langues des étrangers, c'est-à-dire des non-arabes et des non-musulmans, yani. Et n'entrez pas dans leurs églises parce que yani, la colère descend sur eux. C'est rapporté par Ibn Abi Shaybah. نعم أفقه يدي ونقل شيخ الإسلام عن أحمد بن حنبل كراهية الرطانة وتسمية الشهور بالأسماء الأعجمية. Il y a plein d'exemples comme ça, des paroles des ulama, comme par exemple Ibn Taymiyyah rapporte que l'imam Ahmed il détestait que يعني, les gens apprennent la langue des étrangers, يعني, des kuffars, et d'appeler les noms des mois par des noms des non musulmans, yani, non arabes. Et yani, il dit كراهه والوجه عند الامام احمد في ذلك كراهه ان يتعود الرجل ان ندخل بغير العربيه. Donc c'est-à-dire que l'imam Ahmed, son point là-dedans, par rapport à cette position là, c'est qu'il détestait que quelqu'un s'habitue à ne pas à parler autre que l'arabe. نعم. Donc il y a plein d'exemples comme ça aussi. Dit قال شيخ الإسلام بعد أن نقل كلام الإمام أحمد لأن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. Donc شيخ الإسلام il a expliqué ça, il a parlé dans son livre اقتضاء صراط المستقيم. Il a dit, après avoir rapporté la parole de l'imam Ahmad, il a dit parce que la langue arabe c'est un des symboles de l'islam et des musulmans. Et il a dit que les langues sont parmi les plus grands symboles et des choses qui représentent les différentes nations et par lesquelles les gens se distinguent. C'est pour ça, alhamdoulilah, maintenant, tu vois, les jeunes musulmans, peu importe où ils sont, ils donnent beaucoup d'importance à l'arabe et ils veulent retourner apprendre l'arabe. Et tu vois, les jeunes partout dans les pays musulmans, ils s'en vont dans des pays pour apprendre, même ceux qui sont en Europe ou même ici au Canada, aux États-Unis, ils partent dans différents pays, en Égypte, au Yémen, en Arabie Saoudite et ailleurs, hein, pour apprendre l'arabe. Donc, mashallah. Donc il y a plein d'autres exemples que le cheikh il mentionne. La plupart des exemples qu'il cite ici, c'est des exemples tirés de Iqtida Sirat al-Mustaqim. Mais sinon, c'était le point que je voulais clarifier. L'importance d'apprendre l'arabe, de connaître l'arabe, puis que ça fait partie de la religion, puis qu'il faut faire des efforts pour l'apprendre. Plus que d'apprendre une autre langue. Puis même en disant ça aussi, les Arabes aussi doivent apprendre l'arabe. Parce que c'est pas juste parler, par exemple, un dialecte d'un pays, par exemple, quelqu'un il vient du nord de l'Afrique, Maroc ou Algérie ou Tunisie, par exemple, ou bien Égypte ou ailleurs, puis il parle l'arabe qui est parlé dans la rue, par exemple, dans ces pays-là, ça ne lui permet pas de comprendre le Coran et la Sunna. Tu vois? Il y a des termes dans le Coran et dans la Sunna, ce n'est pas les mêmes que les termes qui sont utilisés aujourd'hui. Je me rappelle des petits-enfants, il y en a parfois, il y en a du Maroc, de l'Algérie, et d'ailleurs, il y en a, quand je parlais avec eux, je leur citais des versets de Coran. Je leur dis, est-ce que vous comprenez? Et il disait non, je comprends pas. Donc c'est pour dire que juste même par exemple des phrases simples comme Alhamdulillah Rabbil Alamin, les enfants ils répètent, même les enfants ici par exemple, tu les vois depuis qu'ils sont petits, on leur apprend à dire Bismillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, des choses comme ça, yani La ilaha illallah, yani des phrases comme ça, des formules Puis ils les répètent, les jeunes, les enfants, ils le disent, mais ils ne savent pas réellement qu'est-ce que ça veut dire. Ils ne savent pas l'explication. Et même le sens de l'arabe, ils ne comprennent pas quand ils lisent le Coran. Les petites sourates à la fin du Coran, ils les récitent, mais ils ne les comprennent pas comme il faut, parce qu'ils ne connaissent pas l'arabe bien. Et les hadiths encore aussi, il y en a encore moins. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire des efforts pour l'apprendre. Maintenant, on a, ok, au dernier cours, on a parlé de alamat al-ism. Alamat al-ism. Et on a expliqué qu'il y en avait quatre. Hein, c'est ça ce qu'on a expliqué. En fait, il y en avait quatre. Yani, bon. C'est parce qu'on a mentionné harf al-jar wa dukhul wa al-khafd. C'est parce que ces deux-là, c'est. Il ne faut pas penser que c'est un seul. C'est pas un seul, c'est deux différents. Donc, dukhul harf al-jar, c'est-à-dire qu'on utilise le jar, que le mot accepte, harf al-jar. Et l'autre signe, c'est al-khaft. Al-khaft, c'est yani, que le mot va être maksour. On a mentionné, oui, al-khashi'a. Ça, c'était pour al-tanwin. Ah, inam. C'était hal ataka hadith al-ghashi'a. وجوه يومئذ خاشعة خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية Donc il y a tous les exemples dans ces versets là de 1 à 4. Ça c'est pour le tanwin. Et pour al-khafd, al-tanwin, il y a dukhul al-alif wal-lam et huruf al-jar. On les a mentionnés au dernier cours. Min, ila, an, ala, et ainsi de suite. Dans le sharh de al-Jurumiyya, al-tuhfat al-saniya, il y a même l'explication de chaque harf jar, qu'est-ce que ça signifie. Ça c'est très intéressant, c'est très important aussi. Et justement par rapport à la définition des lettres et des huruf et leur signification grammaticale, il y a un livre qui a été écrit à ce sujet qui s'appelle Mughni al-Labib. Mughni al-Labib. Et c'est un livre écrit par Ibn Hisham al-Ansari. Et dans ce livre-là, il explique chaque harf et qu'est-ce que ça signifie, ou les sens qu'il peut avoir, chaque harf, les différentes significations. Donc, si quelqu'un, par exemple, il a des questions par rapport à qu'est-ce que peut signifier les huruf al-jar, il peut facilement retourner à ce livre-là. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, il a un mukhtasar de ce livre et il est disponible sur internet. Si tu écris sur Google mukhtasar Mughni al-Labib, et puis tu le trouves en PDF yani, gratuitement sur internet. Donc il est classé en ordre alphabétique, puis chaque harf est expliqué avec les différentes significations que chaque harf peut avoir. Donc ça c'est un livre vraiment intéressant et bénéfique en même temps. Faudrait, tu veux savoir qu'est-ce que... Ben, c'est-à-dire que moi je ne les ai pas appris comme ça. Je les ai appris au fur et à mesure. Mais, y a des gens qui mémorisent. Ils mémorisent... à la Jurumiyya, et dans la Jurumiyya ils sont mentionnés, donc ils les apprennent par cœur directement, tu vois. Donc ils les apprennent, ils les mémorisent, puis après ils les étudient, tu vois. Puis quand tu les retrouves quand tu lis le Coran par exemple, tu les retrouves dans leur contexte, C'est là que ça facilite la compréhension et le, tu sais comme que, ça t'aide à comprendre mieux qu'est-ce que ces hurufs là signifient parce que tu les trouves dans leur contexte. Et c'est toujours plus facile de comprendre un mot ou un verbe lorsqu'on le trouve dans son contexte que de l'apprendre comme ça, comme dans une liste. Hein, c'est pas la même chose. C'est ça. Donc il y a des façons de connaître la signification de ces termes-là. C'est des fois de les traduire comme tu regardes dans les dictionnaires qui traduisent de l'arabe au français, ça te donne une signification de ce mot-là, de juste qu'est-ce que ça veut dire. Sinon aussi tu peux parfois regarder par exemple dans les livres de grammaire, ils te donnent des exemples. Mais ça, c'est des fois, c'est un petit peu plus compliqué, plus difficile de les... Ben, dans le dictionnaire, parce que des fois, comme moi, j'ai un dictionnaire à la maison, ça s'appelle Dictionnaire de la grammaire. Il y a Qamus al-Nahwi. Qamus al-Nahwi. C'est-à-dire, c'est un dictionnaire grammatical. Puis, il te donne tous les exemples. Mais des fois, il y en a des exemples que tu vois pas, presque pas, ou des choses très rares. Donc, c'est pas facile de t'en souvenir si tu les vois pas souvent, tu vois. Bon, on va continuer à partir de là où on était. C'est quand tu dis par exemple Uqsimu billah, hein, al-qasam c'est quand tu jures. Donc les lettres pour jurer en arabe, quand tu dis devant Allah, tu dis wallahi, le waouh, wa tallahi, wa billahi. Ça, c'est les trois lettres, hein, Huruf al-Qasam, on l'appelle. Les trois lettres. Pas juste trois lettres de Huruf al-Jar. Toutes les Huruf al-Jar. Non, mais Huruf al-Jar, c'est séparé. Huruf al-Qasam, c'est pour. Yani, c'est les trois lettres qu'on a dit pour le serment, lorsqu'on fait un serment. Oui, c'est ça. Exact. Maintenant, Huruf al-Jar, il y en a beaucoup. Il y a Fi, il y a Ala. Il y a an, et ainsi de suite. Ça, c'est pas nécessairement huruf al-qasam. Huruf al-jar. Ou bien huruf al-khaft. Tu peux les appeler jar ou khaft. Les deux, c'est la même chose. Huruf al-jar, c'est min, ila, an, ala, fi. Ça, c'est les plus utilisés. Min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-kaf et al-lam. Et donc, ça, c'est les haruf al-jar. Le ba, le kaf et le lam sont des haruf al-jar aussi. Ok. Est-ce que les signes pour les signes qui distinguent les noms, est-ce que c'est compris? Alamat al-ism, est-ce que c'est compris ça? C'est-à-dire les signes par lesquels tu peux reconnaître un nom. Oui. Donc quand il y a alif lam, c'est un ism. C'est ça, c'est un ism. Quand il y a alif lam, c'est un signe que c'est un ism. Akhi, les alamat al-ism, au dernier cours, on a fait alamat al-ism. On a mentionné quatre choses. Donc, qu'est-ce qui distingue le nom? C'est harf al-khaft ou bien harf al-jar. Ça, c'est un. Deux, at-tanwin. Quand le mot, il termine avec une haraka qui est doublée. Comme un, an, in. Ça, c'est un autre signe que c'est un nom. Okay. On a donné un exemple. Amil amilatun nasibatun tasla naran hamiyatan tusqa min aynin aniyatin. Donc ça, c'est la preuve que c'est un nom. Ok. Et après, dukhul al-alif wal-lam. Donc l'alif lam, c'est le troisième. Parce que quand tu peux dire alif lam devant un nom, ça c'est la signe que c'est un nom, parce que le verbe tu peux pas mettre alif lam devant. Puis après c'est huruf al-khafd. Huruf al-khafd. حروف الخفض سي حروف الجر من وإلى وعن وعلى وفي وربا والكاف واللام والباء. Quand il y a ça devant un nom, ça c'est les signes que c'est un nom. Et parmi les حروف الجر, il y a حروف القسم qui sont الباء والواو والتاء. Donc on est, là on les a vus les quatre exemples, d'accord, et on a expliqué qu'il y en a deux qui vont au début, il y en a deux qui sont à la fin. Il y a deux de ces signes-là qui sont au début et deux de ces signes-là qui sont à la fin. Les deux au début c'est al-khafd, les deux au début c'est حروف الجر et الالف لام, et les deux à la fin c'est al-khafd et التنوين. حروف الجر والقسم. Bon, maintenant on va voir les signes du verbe. Ok, علامات الفعل. علامات الفعل. Ok, on va les citer. Le cheikh il dit ici, قال المصنف والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة وتاء التأنيث الساكنة. On reconnaît le verbe par les signes suivants. قد, quand tu peux mettre قد devant, قد des قاف دال, et السين ou سوف. Ça c'est quand tu veux faire le futur, tu mets le sin et saufa devant, et le ta tnif, c'est-à-dire le ta féminin à la fin qui a un soukoun dessus. Ok, donc le cheikh il explique ça. الشرح بعد أن ذكر المصنف علامات الاسم شرع في ذكر علامات الفعل ذكر فذكر أربع علامات إذا وجدت واحدة منها في كلمة أو رأيت أنها تقبلها عرفت أنها فعل وهي حرف من معانيها التحقيق تدخل على الماضي نحو قوله تعالى قد سمع الله وعلى المضارع نحو قوله قد يعلم الله. Non, tu mets قد devant un verbe et qu'est-ce que ça fait? قد, quand tu le mets devant le verbe, c'est comme si pour rajouter de la force au verbe, hein? Pour rajouter de la force, montrer que quelque chose s'est réalisé, ça a été fait. Et on le met dans le verbe passé et présent aussi. Al-Mahdi ou Al-Mudari. Wahiya harfun min ma'aniha tahqiq. Tadkhul al-Mahdi wa al-Mudari. Il y a des exemples dans le Coran de ça. Qad sami Allah, qad ya'lam Allah. Ça veut dire que c'est un verbe. Si c'est en avant de quelque chose, c'est un verbe. Le ta à la fin avec un soukoun dessus, tu vas le voir. On va donner des exemples. Ok. Le dernier, l'autre après, c'est assin ou saufa. Ça c'est un. Assin et saufa. Sin et saufa, ça rentre dans le verbe présent pour le faire devenir futur, hein, pour le faire aller au futur. Assin, la lettre sin et la lettre saufa. Et saufa, oui. Sin c'est une lettre et saufa c'est trois lettres. Oui. Par exemple. سأستغفر سوف أستغفر سوف أأكل سوف أشرب سوف أذهب سوف يعني أركب سأكل سأقرأ سأكتب سأنظر سين c'est la lettre سين mais tu peux écrire سين سين يا نون aussi parce que ça c'est le nom de la lettre. Donc, tu vois, regarde ici, sin. Sin ou sofa. C'est bon. C'est ça, c'est correct. Les deux, c'est bon. Aina mohuma, harfu stiqbal. Donc, ça, c'est des lettres pour yani, le futur. Ça. Et. Non, pas qad. Juste sin ou sofa. Qad, ça peut rentrer dans le passé aussi. Ok. Et le ta, ta'nith, sakina, c'est le ta féminin à la fin d'un verbe féminin. Comme par exemple, qalat, fa'alat, darabat, akalat, sharibat. Ça, c'est le ta, ta'nith. Ok. تأنيث الساكنة تزيع السكون دسو قالت عائشة قالت فرشت un autre exemple. Il y en a plein de tous les verbes au féminin quand c'est la troisième personne, il y a le ta تأنيث تأنيث, c'est-à-dire le ta du féminin qui est au féminin ou pour le féminin. Et ça c'est juste pour le passé, hein. Ta'nith, là, c'est juste au passé. Yani, sakina. Et, qad, il rentre dans le passé et le présent. Et saufa, il rentre seulement dans le présent. Sin et sofa, c'est seulement pour le présent. Parce que tu fais le futur juste avec le présent. On a expliqué ça au dernier cours. Quand tu fais un verbe, tu veux le mettre au futur, tu prends la forme présent, puis tu rajoutes sofa ou sin devant. Ça devient présent. Futur, pardon. Non. Ok. وحصل ما ذكره من علامات الفعل أربع: واحدة مشتركة بين الماضي والمضارع وهي قد، واثنتان تختصان بالمضارع وهما السين وسوف. نعم، وواحدة تختص بالماضي وهي التأنيث. Cheikh, il les a séparés comme ça, puis le quatrième. Ok, donc on a fini là, les harouf, yani alamat al-fi'l, on a fini. Il y en a quatre ou trois, si tu veux mettre sin et sofa ensemble, ça fait trois. Si tu veux les mettre séparés, ça fait quatre. Ok, علامات الحرف. علامات الحرف. Bah, ça c'est pas compliqué, y en a pas. Le علامات du حرف, c'est quand il y a pas d'علامات de اسم, il y a pas d'علامات de فعل. Il y a ni un ni l'autre. Alors dans ce cas-là, c'est un حرف. C'est حرف. Okay. قال المصنف رحمه الله والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. Okay. الشرح. Donc quand il n'y a pas de signe du nom, il n'y a pas de signe du verbe, alors ça veut dire que c'est un harf. C'est-à-dire quand tu ne peux pas faire rentrer les signes du nom et tu ne peux pas faire rentrer dedans les signes du verbe, ça veut dire que c'est un harf. Il dit: ذكر المصنف أن الحرف يتميز عن الاسم والفعل بأنه لا يقبل شيئا من علامات الأسماء ولا من علامات الفعل أو الأفعال. فإذا وردت عليك كلمة فأعرض عليها علامات الأسماء أولا، فإن قبلت شيئا منها فهي اسم، فإن لم تقبلها فأعرض عنها فأعرض عليها علامات الأفعال، فإن قبلت منها شيئا فهي فعل، فإن لم تقبل فاحكم بحرفيتها. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit quand tu trouves un mot, tu sais pas c'est quoi, tu essaies de faire entrer dedans les signes du nom, alamat al-ism. Tu vois que ça marche pas, donc tu fais t'essaies de rentrer alamat al-fi'l. Tu vois que ça marche pas. Après tu dis bon, dans ce cas-là il n'y a pas les alamat al-ism, ça marche pas, alamat al-fi'l ça marche pas, donc c'est un harf. Tu comprends? C'est comme ça. Bon, yani, par exemple, min, zahabtu, ou bien zahabtu ila beiti. Je suis parti à ma maison. Zahabtu ila. Donc ila. Est-ce que je peux dire, par exemple, si je veux appliquer alamat al-ism? Parmi les alamat al-ism, c'est de mettre alif lam. Donc, est-ce que je peux dire al-ila? Non. Est-ce que je peux dire, par exemple, rajouter un harf jar devant ou mettre un jar dedans? Ala ila, ou ila, ou min ila, ou fi ila? Non, ça marche pas. Et est-ce qu'il prend un tanwin? Alan ou Alin ou non, ça marche pas. Et est-ce que je peux mettre, par exemple, est-ce qu'il prend le khaft? Est-ce qu'il prend le khaft? Tu m'as dit non. Ok, le tableau qui est là, non, tu peux regarder, c'est pas grave. Le tableau non là, ça résume tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Kalam, yanqasim ila thalathati aqsam. Al-ism, al-fi'l et al-harf. Donc tu vois, tu dois par exemple ici ism, fi'l, harf. Maintenant chacun il a des alamat. Alamat al-ism, là il y met ici al-khaft, al-tanwin, al-iflam, huruf al-khaft. Al-fi'l il a des alamat. Et nous, qu'est-ce qu'on a vu? C'est alamat al-fi'l pour al-mudari, al-mudari et amr, fi'l amr. Alamat al-fi'l al-madi, qad, wa ta' al-ta'nith, al-sakina. Ok? Alamat al-fi'l al-mudari, alamat, c'est qad et sin et sofa. Et alamat fi'l al-amr, دلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة. Non, c'est ça. Mais en fait non, je l'ai pas sauté, mais c'est parce qu'il l'a pas mentionné dans les exemples, dans le texte ici. Il a pas mentionné فعل الأمر. وقد ترك علامة فعل الأمر وهي دلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة أو نون التأكيد نحو قم وأقعد واكتب وانظر. فإن هذه الكلمات الأربع دالة على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر مع قبولها يا المخاطبة في نحو قومي واقعدي أو مع قبولها نون التأكيد نحو قوله اكتبن وانظرن الى ما ينفعك انظرن الى ما ينفعك. OK. Donc ça, il l'a pas mis dans le texte, c'est dans l'explication que tu le vois, c'est que le verbe le fi'l amr, yani parmi les signes du verbe impératif, c'est qu'il accepte ya al-mukhataba. Naam. Par exemple, qumi, uq'udi, qumi, uq'udi. Et nun at-ta'kid, nun at-tawkid. Nun at-tawkid, c'est uktuban, unzuran. Tu peux rajouter un nun à la fin pour rajouter de, il y en a de l'emphase ou de la force à l'ordre. Oui, c'est bénéfique, c'est bénéfique. Il y en a. Mais c'est ça l'important. Connaître la théorie, ça c'est. C'est. An-nahw as-sarf. Ça t'aide à la compréhension. En fait, oui. Et quand tu lis un livre en général, tu arrives à mieux à lire mieux et à faire moins de fautes et en même temps aussi à mieux comprendre. Oui, c'est ça. Donc, fi'l al-amr, il l'a pas mis. Donc, tu peux dire dilalatuhu ala al-talab ma'a qabul ya al-mukhataba. ونون التوكيد. Donc يا المخاطبة نون التوكيد مع دلالته على الطلب. C'est-à-dire que le verbe impératif, c'est que yani un de ces signes, c'est que il te demande de faire quelque chose. C'est te demande de faire quelque chose. Donc c'est comme une exigence ou une demande. Et il prend parmi ces signes le sukun et يا المخاطبة. Le يا du yani de quand tu parles à la fin sukun. En général le fi'l amr il prend toujours un sukun à moins qu'il termine par un ya al-mukhataba, comme par exemple tu dis à quelqu'un, à une femme, qumi shrabi. Donc ce ya là qui rentre, ça c'est un des signes du verbe amr, faire amr, puis aussi le nun at-tawkid. La taf'alanna, if'alanna, if'ali, if'alanna. Donc ça c'est des le nun que tu rajoutes, le nun, ça c'est pour rajouter plus de force, plus de pour insister comme. Oui, il faut faire l'adhan. Donc, écoute, au prochain cours, on va les revoir, puis qu'est-ce qu'on va faire? On va donner des exemples, plus d'exemples, puis on va donner des exemples, puis peut-être même quelques exercices à ce sujet-là, puis après, on va rentrer dans l'i'rab après. On va commencer à rentrer dans l'i'rab, puis là, c'est là que tu vas vraiment commencer à comprendre le secret de la grammaire arabe. Et c'est pas compliqué. Ça paraît plus compliqué que c'est vraiment. Mais quand tu connais les règles de base, c'est facile. Ouais. C'est ça, exactement. C'est le plus dur, c'est de rentrer. Une fois que t'es rentré, ça y est, en dedans c'est facile. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.